Le journal népalais Tsurutsun a présenté récemment un écrit sur la réussite de la Corée au tir expérimental de la fusée balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol du type façon 12. L'auteur note « La réussite coréenne est un grand événement pour défendre la paix et la sécurité du monde et déjouer les menaces militaires des impérialistes et elle a montré une nouvelle fois dans le monde ce qu'on doit faire pour prévenir la guerre et préserver la paix. » C'est la victoire du peuple coréen qui, fermement uni autour de son dirigeant, a brisé complètement l'ambition d'hégémonie mondiale des impérialistes américains. La Corée a démontré que les menaces et chantages des États-Unis ne sont jamais de mise et il a inspiré au peuple progressiste la confiance en la victoire.